les rouges. Hey. Ouais. Ouh là là, les revenants. Young City Rockers. Quel numéro? 300. Ouais. Ça y est, une gueule, ça sature. Ouais, numéro 300, et pour ce numéro 3x100, le grand retour de Val, Gaël et Thibaut. Wow, wow, wow. Et Stéphane, bon, voilà, c'est comme d'habitude, hein, ça. Ouais. Je vais essayer de pas trop faire de pain, j'ai fait déjà mon quota dès le départ de l'émission, avant même le générique. Moi, je dis l'indicatif, pardon. Et je dis quand même, je commence cette nouvelle centaine avec quand même du lourd là, tu vois. Lourd aussi, je commence avec un truc pas forcément très sympa à entendre. C'est un bon pote qui est mort, j'ai appris son décès il y a quelques heures à peine. Il s'agit de Diabolo, qui avait entre autres été guitariste de Scraps un temps, et puis habitait sur la côte landaise là, où il faisait pas mal de trucs autour des sports de glisse. Il avait aussi fait partie de pas mal de groupes dans l'est de la France, vers Thionville-Metz. Et puis, rien de plus à dire, en fait. C'est tout. J'aurais bien aimé le retrouver. Je l'ai retrouvé grâce à FB, pour une fois que Facebook servait à quelque chose. Et ça sera jamais. Dans quelques années. RIP, ouais, quelques-unes. C'est sympa. RIP, mon Diabolo, Eric, de ton vrai prénom. Voilà donc un titre sur lequel on peut t'entendre, vu que t'as quand même réussi à te retrouver enregistré sur un disque de Scraps. C'est un truc qui date de 95, pendant une de leurs tournées, où t'avais pris la deuxième guitare aux côtés des autres The Librius. Ça a été enregistré à Limoges par l'ami Raph, dans ses, tu sais qui, de Attentat Sonore. Vu que c'est lui qui avait organisé le concert, voici donc Scraps avec Strength and Tenderness. Salut Diabolo. Avec Strength and Tenderness, voilà. C'est bien enregistré. Oui. c'est du moulo, hein. C'est pas. C'est même moins fumé que certains groupes japonais. Je vais avoir un truc, même pas japonais, mais asiatique quand même, mais de la partie russe de l'Asie. D'accord. Et qui sera bien fumé tout à l'heure. Okay. Oui. Fumons, ça fume. Pendant que Val découvre les Les tuyaux. Les secrets. Du dessous de la table. Les secrets et les dessous du studio. La table du studio, il faut le savoir, est construite sur des tables d'école des années 50-60. Je te jure. Ouais, ouais, vraiment. Ils ont dû morfler. Non, ils étaient petits, enfin. Bah, un peu plus petits que toi. Je ne vois pas l'assignation. Bon, allez. Bon, alors, dans la nuit de dimanche à lundi, on va aller voir Val et moi un concert au festival de Dour. Le groupe est programmé à 1h du matin. Alors, je vous laisse imaginer ma tête et mon humeur lundi matin sur mon vélo. Tu fais du vélo ? Eh, ouais. Mon vélo. Le groupe, c'est Lebanon Hanover. Et c'est un groupe de Dark Wave qui nous vient de Grande-Bretagne. De Sunderland, plus précisément. Alors, le groupe existe depuis 2010 et a 6 albums à son actif. J'en profite pour passer un tchoukoukou à Noé, le bassiste de Récidive, qu'on verra aussi dimanche au Festival de Dour, car il joue avec un de ses autres groupes qui s'appelle La Femme, et qui est quasi headliner et qui jouera vers 22h. Et c'est grâce à lui aussi si on peut se permettre d'aller à Dour, car au vu des tarots, et juste pour deux groupes, ben, ça fait chéro la soirée. Ouais, encore, Cimer à lui. Oh ben, pour les résidents, c'est 50 balles la journée, ou sinon le pass du festival, ça doit être dans les 200, 300 balles. 250 balles. Oh bah, faut être résident. Hein. Ouais, on est résident, maintenant. Alors, le morceau que je vous propose de Lebanon Hanover s'intitule Gallow Dance et est dispo sur leur album Tomb for Two, qui date de 2013. Vous m'en voudrez pas pour le fade-out de merde, j'y suis pour rien. Mais bon, le morceau, il est foutrement bien, donc perso, je les excuse. Tout de suite, Lebanon Hanover dans ce 300e épisode du Pyongyang City Rockers. Et c'est pas de la ouille. We'll be right back. Qu'on pouvait espérer, nous, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut, on peut voir. Il n'y a même pas de comparaison, il n'y a pas aucune comparaison qu'on peut penser à, au temps où on est au jeune et maintenant. Aucune. Aucune non, comparaison. Aucune. Non. Bah ouais. Sous sur les ondes de radio Campus Lille, avec une intro à la Dead Kennedys pour faire plaisir à Gaël. Dead Kennedys. Et puis ça a bien enchaîné sur les Bonovers, donc voilà. Carrément. Je dis bien. Et voilà, ils ont sorti ça début 2022 et la dédicace. Début 2022 23, pardon. Oh là là, c'est plus dans quelle année on vit maintenant. Voilà, dédicacé au club qui avait fermé à peu près au même moment. Un petit peu avant la sortie de cette cassette. Voilà, qui est un haut lieu de la culture alternative lilloise. Pendant Santa. Ça nous manque, j'espère qu'ils vont, ils vont ouvrir quelque chose dans pas longtemps. Bah, tout ferme, hein. Là c'est l'ex DIY qui ferme aussi. Il enfin, bon, y avait quand même quelques concerts au Pico Bistro. Ouais. Et là, il va encore y avoir un truc finalement. En fin de semaine ici, je sais plus. Mais j'ai jamais après, foutu les noms sous le. Ça va devenir un restaurant. Et après, c'est devenir un restaurant, donc les concerts dans la cave, à mon avis, on peut se les arrondir. Voilà. Bref, revenons à Arsou. Feront-ils un jour des concerts bien, l'avenir nous le dira. Bah, il faudra leur proposer. J'ai des idées, du coup. Ça me donne des idées. D'accord. Ouais. J'ai tard à des campus aussi. Il y a quelqu'un qui passe quelque chose ? Moi. Bah, toi, moi, bah, moi, vas-y, moi. Toi. Moi, je suis contente comme une bêche qui va aux frites côtes. Non, l'autre. T'es encore Arsou, tu. Ça fait tellement longtemps, je suis toute émue. Et d'ailleurs, je me suis battue avec Thibaut devant l'entrée pour les présenter, j'ai gagné. Ouais, il a gagné. J'ai reçu un bon mawashi, et voilà. la pub déguisée ici. Un mawashi ou raken. Quoi ? J'ai rien dit. Ah, pardon. Donc, bagarre et bouillon noir. C'est ainsi que se présentent les No Filter sur leur Bandcamp. Et donc, c'est le coup de cœur que j'avais envie de diffuser aujourd'hui. C'est gros kiff dès les premières secondes d'écoute, en tout cas pour ma part, mais je pense que c'était le cas de beaucoup de gens. Donc, ils sont originaires de Voiron, près de Grenoble. Le groupe est composé de trois messieurs, Médéroc à la basse et au synth, Mac Terreur au chant, ses deux compères composant les morceaux, et le troisième, Baramine, assure la guitare pour les lives. Ils sont actifs dans la scène black metal depuis environ 20 ans. Oui, bah, je ne sais pas le faire, j'ai trop petite. Depuis environ 20 ans, à travers différents projets, et ils ont créé No Filter dans le but, je les cite, d'explorer leur côté punk, oi et cold wave. Les thèmes abordés dans leurs chansons sont la violence, la haine, les soirs de fête, la campagne, leurs racines et l'amitié. Ils ont d'autres. campagne. Oui, la campagne, je me sens pas visée. Ils ont d'autres projets à côté de No Filter, Mederock et Baramine avec le groupe de Black Trash Black Hole depuis 2013 et Max Terror avec le projet solo Cendre Froide. Sur leur Bandcamp toujours, on peut trouver leur premier EP Another Side, paru en 2018, un single sorti en 2022, Black Leather Jacket, et enfin, en mai 2023, l'album de 6 titres sans filtre, c'est son titre, fait son apparition sur la plateforme, et c'est franchement un petit bijou post-punk bien dark. La cassette y est encore dispo, elle est dédiée à tous les fils du pays voironnais. Petite note, le groupe est à la recherche d'un label pour sortir ça en vinyle. On écoute donc le morceau Baston Général qui ouvre ce nouvel EP. Fin des années 50, début des années 60. Des bandes rivales sèment la terreur, ce sont les blues au noir. La presse les a baptisés ainsi à l'été 59 à cause de leur look. Moyenne d'âge, 17 ans. Agressions, vols en tout genre, rixes, les journaux de toute la France racontent leur méthode. C'est parti les barbales, car ce soir au bac, c'est pas ton général. Célia. Célia. Il y a Célia qui est arrivée. Voilà. Hello. Célia va prendre le micro. Oula, t'as des choses à annoncer ce soir? Juste dire bonjour aux auditeurs et auditrices. Eh oui. En plus, de toute façon, t'as pas de micro, donc ça y est. C'est bon. Ouais. Bonjour. Bah voilà. La semaine dernière. Non. On va laisser peser. J'ai laissé. La semaine dernière, je vous donnais quelques news en provenance de Yakoutsk. Ah oui. Hein? Là-bas. J'avais une amie qui s'appelait Yakout, ça m'a fait bizarre quand tu dis ça. Bah voilà. Et donc là, c'est là-bas, tout loin, là, au fond de la Sibérie orientale, là-bas. Là-bas, tout loin. La Yakoutie. Ouais. Et en plus, super au nord, hein, c'est il y a du gel le moitié de l'année. C'est quoi, 6000 km au-dessus de Pyongyang? 3000. Ouais, ou 3500 même. Bref, la semaine dernière, c'était Crispy Newspaper, même leurs journaux sont un petit peu cassants. Crispy. Parce que Crispy. Vu qu'il fait froid. Vladipak, un autre groupe du même bled vient de sortir un EP pas plus tard que avant-hier, les gars. T'as vu, hein? Avant-hier. Là, il s'agit de. Il s'agit de Drones avec deux R, comme Yukun Kun. Et donc, cet EP 3 titres est nommé Digital Zone. Il cause, comme on peut le supposer, de leur vie numérique. de ses mésaventures et de ses perversions. Comme par exemple dans le titre que je vais vous passer justement là, juste maintenant. Terrible réseau Wi-Fi là-bas. Midnight Sexter. Ah ouais, non. Puis, et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans le son. À mon avis, leur, leur studio il marche en Wi-Fi et comme le Wi-Fi passe pas beaucoup. Le Wi-Fi est gelé. Et gelé. Bah oui, oui. Non, mais, les ondes. Les RJ45 qui sont gelés. Tout est gelé. Ah, gelé. Oula, c'est chaud. Ah. C'est donc. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est sorti sur le label de Yakutsk qui s'appelle Yunus Severa, qui signifie la jeunesse du Nord. Ah non. Non, ça veut dire la jeunesse du Nord, ça pourrait être notre label. Et justement, on peut retrouver tous les chefs-d'œuvre qui sortent là sur leur, le Bandcamp du label. C'est Youth of North en anglais, la jeunesse du Nord. .bandcamp.com. Ah, ils ont quand même Bandcamp. Bandcamp ouais, est allé jusque ouais, là-bas. Bien sûr, ouais. Mais par modem. Les Américains. Par modem. Ouais. Non, c'est les Russes. Attends, tu rigoles. Les Américains, ils arrivent pas à faire marcher. Non, mais ça arrive jusque Yakutsk quand même. Ouais, ouais, bien sûr. C'est parce qu'on les laisse passer. Et donc voici Drones avec deux R qui nous font Midnight Sexter. oui, c'est ça. Bah oui. Sont fumés, ils... bien fumé, bien quand fumé, même. Ouais. Ah, oui, bien. Mmh. Attends, ils sont pas très loin du Japon aussi. Non. ouais. Ils sont 3500... plus proches que nous en tout cas. 3500 km aussi, je sais pas. C'est, je comprends pas leurs échelles de distance dans ces coins-là. C'est super loin, quoi. T'sais. Tu regardes une carte, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de pâture. Donc, je sais pas comment ils font. Ah, moi non plus. Bon. Allez, après la dark wave de les Banana Nover que je vous ai passé tout à l'heure, je vais vous passer un groupe de post-punk qui nous vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas encore passé deux oeils? Ben, je vais en passer après. Ah, bon, d'accord. Ouf. Alors, je les ai découverts car c'est le seul groupe que je connaissais pas à l'affiche du prochain Bal des Vauriens qui se déroule les 22 et 23 septembre au Kilowatt, à Vitry-sur-Seine et non pas à Yakoutsk. C'est organisé par les copains. Non, Yakoutsk, c'est le Watt. Ils n'ont pas encore beaucoup de puissance. Hein. C'est organisé par les copains du BSC. On pourra y voir en plus de. Alors, on verra après, on va poser des questions hein, de Schedule One ou de Schedule One. Ah. Marabouts, comme interne, Survetskin ou Wunderbar, Oi Boys, grand. Infrariot, Lions Law, 8-6 Crew, No Class, les Australiens, hein, pas les Français, parce qu'ils n'existent plus. Bon, Squelette. ou qu'on pourrait appeler depuis aujourd'hui claquettes. J'ai vu une photo de eux aux États-Unis, c'est des skins à claquettes maintenant. Hein. Putain, quel horreur. Faut jamais que ça arrive en France. Hein. The Samples, oui, les Samples des années 80. Putain. Et Béton Armé. Alors, je crois que j'ai oublié personne. Donc, comme Schedule One, c'est le groupe récent qu'on connaît pas des masses. Il s'est formé juste avant le Covid. Et ben, c'est celui-là que je vais vous passer. Le morceau s'appelle Painted Red et c'est celui que je préfère. Et c'est le coco. Juste avant de vous passer, on va lancer un débat. Hein. On nous a dit qu'aux États-Unis, on disait Schedule et en Angleterre, on disait Schedule. Aux Amériques. Mais comme Vancouver, c'est pas loin des États-Unis, on pourrait dire Schedule. Mais comme c'est en Colombie-Britannique, on pourrait dire Schedule. C'est plus le 03 29 112 400 pour nous appeler, c'est le 03 62 26 89 18, on dirait un 13. C'est beaucoup plus dur à se rappeler, mais c'est le nouveau numéro de Radio Campus. Et vous pouvez nous appeler pendant le morceau Right Now qu'on va passer du 300e épisode du PCR. Oui. Je suis sûr qu'on nous a pas appelé parce que le numéro il est trop dur à retenir quoi. Bah oui, bah c'est quoi ce 0362 qui dans le 03 a un truc qui commence par 62? Bah dans le pot de colis nous. 29 89 18. On m'a dit il faut dire 03 622 68 918. Ouais, c'est mieux. 118 918. Ouais, voilà, j'ai accès. T'as mis ta perruque. Je les avais, hein, j'ai distribué les flyers. C'est bien. Putain. Quelle bon, aventure, allez. Que d'aventure. Wow, ça va Thibaut? Mais ouais, ça va très bien. Écoute, j'ai redécouvert un groupe là, il y a peu. Il y a un type, il me fait écouter, ah, il y a mon groupe préféré, tout ça, ça s'appelle Power Plant. Et puis je lui dis, bah non, c'est Power Plant et tout. Je lui dis, enfin, ah, en français, tu vois. Mais il dit, non. Et puis effectivement, en fait, ça existait aussi. Et puis du coup, ça m'a donné envie de redécouvrir ce groupe anglais Power Plant. D'ailleurs, ça veut dire quoi, Stéphane, powerplant en anglais? Bah, ça dépend. Ça dépend, du coup, voilà. Alors, a priori, c'est soit quand même de la beuh, voilà, on connaît, nanan. Mais puissante. Hein. Ouais, puissante. Ouais. Hein. Ouais. Et, ou une centrale nucléaire, bref. Ouais, enfin, une centrale énergétique, quoi. Énergétique, ouais, enfin, c'est pas forcément nucléaire. Ah ouais, pas forcément. Ouais, thermique, quoi, tu vois. Oh. C'est dingue. Et du coup, Powerplant, bah, ils vont sortir là un EP le 14 juillet, donc dans 2 jours. Voilà. Il y a déjà des titres sur le camping pour groupe. Ah ouais, mais non, mais ils sont anglais, ils ont rien à faire de ça. Ouais, ouais. Oh, beaucoup, oui. Même Crass, ils l'ont pris dans une chanson. Ouais. Ah, ah ouais. Ouais. Et du coup, ils ont sorti déjà des titres là, des singles. Pour illustrer un petit peu ce EP, il y a un morceau qui est vraiment terrible, qui s'appelle Beautiful Boy. C'est ce qu'on va écouter. Et ensuite, du coup, on ira faire un tour du côté des États-Unis avec les Power Pants. Alors, je sais pas si, à mon avis, ils savaient quand même que le groupe existait, mais je trouve que c'est un petit peu, voilà, bon. Sauf que c'est un petit peu autre chose. C'est plutôt du côté du egg punk, alien punk, voilà, cette vibe américaine avec des sons chelous, lo-fi. On se demande. C'est quoi un du egg punk? C'est du egg punk, c'est du punk à œuf? Ouais, c'est du punk à œuf, ouais, ouais. C'est pour faire tenir la crête. Non, ouais, c'est ça. En plus, t'es à l'ancienne, toi. C'est du punk fait par des skins. Fait par des skins, ou je sais pas, ou des crânes d'œufs, ou des crânes d'aliens, tu sais, je sais pas. Bon, en tout cas, ça a sa signature sonore pour sûr. Voilà. Eh bien, écoute, mon cher Stéphane, je pense que c'est l'heure. Tu peux envoyer. Le power plant, pardon. Tu peux envoyer le power plant. Anglais, ça va pas aujourd'hui. Du coup, voilà, l'EP sort le 14 juillet prochain. Ça s'appelle Grâce et vous pouvez trouver ça sur Bandcamp. Voilà. mais ah ben voilà, quand même j'ai réussi à faire un pas. Bah oui, mais on est en train de boire une bière là parce que c'est la 300e. Alors on boit de la bière. La bière des rocs. Bon alors il y avait Power Plant et Power Pants, ne te plante pas. Alors démerdez-vous, démerdez-vous, zizi, je sais même plus le dire, pour savoir qui est quoi et lequel est lequel. Bien, ça, en podcast. Étant donné le bordel ambiant, c'est bien Pyongyang City Rockers que vous écoutez, numéro 300, sur Campus, en 16,6, pour encore un petit 20 minutes, un gros 20 minutes, vu qu'il est 39. Allez, on les vole quoi, arrête de souffler, allô. J'ai encore essoufflé, j'ai pas fini ma canette. Oh bah, voilà. Alors. Tu sais, c'est du sport hein, de faire la radio. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des bulles dans la canette, c'est ça qui permet de respirer, mais j'ai remarqué. Les bulles. Bon alors, ils sont venus nous chauffer les oreilles en juin dernier au Cobra Jaune à Bruxelles, à l'occasion de leur tournée européenne. Et c'était une bonne claque comme prévu. D'ailleurs, il n'y a pas que les oreilles qui ont chauffé, c'était un vrai sauna à l'intérieur. Il y avait les murs qui dégoulinaient et tout. C'était le sauna jaune. Ouais, c'était génial. J'ai nommé Savage Heads, groupe punk de Boston, Massachusetts. Ils ont d'abord sorti une démo en 2013, un EP en 2014 et une cassette live en 2015, ensuite Silence Radio, jusqu'à la sortie l'année passée du LP Service to Your Country sur le label Social Napalm. Cet album de 13 pistes est un pur chef-d'œuvre. On est catapulté dans le punk bien abrasif des Skeptics, des Exploited, GBH des années 80, avec des textes qui taillent un costard à l'interventionnisme gouvernemental, le service militaire et d'autres thèmes liés au pouvoir et à la cupidité. L'album a été sold out en très peu de temps, mais un repress est dispo, fort heureusement. C'est une plaque, comme on dit, en gelbic, donc une galette absolument à voir dans votre collection si vous êtes fan du genre. Au Cobra Jaune, on pouvait se procurer leur tour tape, dispo uniquement lors de leur tournée. Donc, il y a dessus 5 morceaux qui annoncent un prochain album. Je vous en ai sélectionné un que vous ne trouverez donc pas en ligne, qui s'intitule They Follow. De l'exclusivité sur Radio Campus Lille. J'allais dire Drouguise. Ça fait longtemps que tu n'avais pas fait de pub. Bon allez, on y va là. Oh, ça démarre pas. C'est la cassette. Ouais, c'est la cassette. Clic, clac. Cassette à l'ancienne. C'est bon, c'est parti. We'll be right back. c'est ouais. bon, quoi, c'est bien. Ouais, bah oui, oui, non, oui, mais c'est, oui, bah c'est oui, une cassette. Voilà. Oui, oui, oui. En plus, on ne sait pas quand ça finit. Donc, oui, il faut écouter. Oui, il faut être attentif. Ah, bah, oui, ouais. Attention, je vais faire le bruit de la cassette. Oh, et voilà, tac. Back to the 80s. Il a l'impression de retrouver ses 14 ans. Ouais, c'est ça. Putain, c'était longtemps. Bah, au siècle dernier, deux siècles derniers. Au lieu de retrouver mes 14 ans, je vais retrouver ma Russie. Et ces anti-Poutine, voici Beskonachnaya Zima, ce qui signifie hiver sans fin. Ils ont sorti pas mal de trucs, dont des titres sur les compilations Punks Against War, qui sont sortis par le label russe militant Tchernaya Plochad, le carré rouge. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc là, c'était sur le volume 6 de ce compilation. Apparemment, le label a en ce moment a quelques soucis avec le pouvoir. On va savoir pourquoi. Oh bon. Voilà. Et bon, et aussi faire des compiles qui s'appellent les punks contre la guerre en Russie. Ouais. Donc bah, là, enfin, sur il y en a beaucoup qui ont viré de cutie. Ouais, bah ça dépend. Il y en a. Il n'a des. Mais toujours, de toute façon. C'est quand c'est le bordel qu'on reconnaît les vrais amis et les vrais. Et les faux. Il y en a même ouais. Voilà, pour Gun, tout ça. Ouais, bah concert pour bien, Poutine, ouais. Smurf, c'est pareil. Et ouais. Ouch. Bah oui. Mais, ah ouais. Tu verras quand ce sera ici, c'est pareil. Hein, pour, non, mais ça sera pareil. Jody Faster, Front de Rosier. Voilà. Bah, j'espère bien. Il manquerait plus que ça. Bah oui, j'espère bien. Pour Zemmour. le grand leader Zemmour. Donc là, sur leur titre que je vous posais maintenant, c'est à cause de quitter un pays marqué par le deuil, tout en traversant des cimes enneigées. Pozastrugam, c'est ça que ça veut dire. Enfin, Zastrugam, c'est plutôt des congères, mais comme j'avais envie d'un petit peu d'en rajouter, j'ai dit que c'était des cimes. Elles sont enneigées. Voici. Ouais, oui, donc le nom du groupe, je vous l'ai déjà dit, c'est, ça veut dire hiver sans fin. Beskonachnaya Zima. C'est bah tout oui. Un programme, surtout en Russie. C'est l'hiver de toutes les manières, pas uniquement. Puis il y a toutes les saisons. Bon. Voilà. Il n'y a qu'une saison en plus. C'est donc à retrouver sur leur Bandcamp, qui est aussi arrivé du côté de Tchernaya Plochad. Le Bandcamp, c'est Black Plochad, blackplochad.bandcamp.com. Voici donc Beskonachnaya Zima, si j'arrive à le relancer. Qu'est-ce qui se passe? Beskonachnaya Zima. Yeah. au tempo. Comme ça. Le truc, quand je clique dessus, ils arrêtent pas. Clac, on sait déjà ce que je vais passer maintenant. Bah non, bah du coup, on passe à autre chose. Non. Parce que. Non, ça ira pas. Il y a quelques semaines est sorti le nouveau 7 pouces du groupe montréalais Béton Armé. Alors, Béton Armé. Quel cœur, c'est touchant. C'est Dan Preston au chant, qu'on retrouve aussi dans un nouveau groupe montréalais qui s'appelle Spleen. Docteur Oli de Sasseville à la guitare. Fabio à la basse, qui joue aussi dans Spleen. Et Ratpack, Rémi, à la batterie, qui joue dans Phase, et je vous le donne dans le mille. Dans Spleen. Dans le mille. Voilà. Alors, leur nouvelle EP s'appelle Second Souffle et est sortie sur le label Rennais. De Spleen. Primator. Alors, j'en profite pour vous annoncer que l'association franco-belge Mawashi va aller faire jouer en compagnie des Parisiens de Cran à Montigny-sur-Roc, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Ouais. La perle du Hainaut. Ça jouera à l'Oiseau Bleu, qui est un ancien bar métal montagnard. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui habitent là-bas. Ça se déroulera le samedi 16 septembre 2023, c'est cette année. Et pour nos amis du 6-2, ils seront en concert à Boulogne-sa-Mer le jeudi 14 septembre, soit deux jours avant. Je vous propose d'écouter le morceau Victoire, qui ouvre la phase B. Tes préférés, Stéphane. Et voilà. Et le morceau s'appelle Victoire. Oi, oi, oi. Béton Armé. Et il a réussi à arrêter le morceau au bon moment. C'était Béton Armé sur 106,6. Faut vraiment changer ces micros, hein. Ils sont beaucoup trop sensibles. C'est pas, c'est des micros de studio d'enregistrement, c'est pas des micros de studio d'audio. Hein. Ah ouais, Marcel, qu'il fallait préciser quelque chose. À l'Oiseau Bleu, là, pendant le concert de Béton Armé le 16 septembre 2023, il y aura des burgers. Important. C'est un argument de poids, moi je dis. Des burgers avec de la viande locale, avec du fromage local. Il y aura de la viande et il y aura aussi certainement pour nos amis végétariens. Du végan local. Oui. Tout à fait. Bon, à mon dernier, je me suis dit que c'était pas bête de le mettre. Oui. Notamment parce qu'il y a un des membres qui va venir nous rendre visite à la rentrée, si je me trompe pas. Ouais, juste avant la rentrée. C'est quoi la date? Fin août, le 30 août. Le 30 août, Willy manœuvre à Pyongyang City Rocker. Ouais. Carrément. Pour son rendez-vous annuel. Et j'ai bien kiffé là, leur dernier album, du coup, à Bait, you know? Bait. B-A-I-T, from Barcelona. Il a le doute. Mais non. qui nous viennent tout droit de du coup Barcelone. C'est déjà leur troisième réalisation et l'album qui vient de sortir, qui est éponyme d'ailleurs, qui s'appelle Bait. C'est bien d'avoir un album qui est éponyme, hein, parce que franchement, c'est pas bête en tout cas. Ouais. C'est pas bête, ouais, ouais, comme ça au moins tu retiens. Enfin, si Bait, c'est Bait, mais. Enfin, en tout cas, il vient de sortir. Il est sorti en décembre là, 2022, oh, avec lequel ils font une grosse tournée. Et l'album, il est quand même très très bon, avec des titres quand même, on va dire marquants, type Inevitable War, type Global Corruption, type Eau Salée. Celui-là, il est pas spécialement marquant, mais celui qui est vraiment avec des thèmes pas bêtes du tout. Avec des thèmes pas bêtes du tout. Notamment le thème de la bavure, le numéro 7, c'est celui que j'ai décidé de vous passer ce soir. Voilà. En espagnol. La bavure. La bavure. C'est pas du catalan. Tu connais son autre groupe, Matrix? Ah non. Ah bah je vais te faire écouter, tu vas kiffer, mec. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais. Trop bien. Bon, j'envoie. Vas-y, on voit ça. Putain, c'est vraiment très bien, Bait. Bon, bah voilà, il reste 2 minutes et quelques. Je vais même pas pouvoir passer mon dernier titre en entier, mais on a quand même une annonce à faire avant ça. Qui va en parler? Eh bah, je te sens intéressé, Célio. Du coup, mardi prochain, à la Brad Cave, il y a un concert de Psychrophore. Oui. Qui joue avec Intenable, Mr. Fartface et Bleakness. Bleakness, aussi. Ouais. Le Paris. Mr. Fartface, c'est un groupe belge. Oui, from Belgium. Intenable, de Bordeaux. Ou de Bordeaux. Moi, je suis dans ce coin-là. Et Bleakness, un groupe de Parigo-Lyonnais. C'est très, très fort, bon. Un groupe du coin. Un groupe de chouin, ouais. Tout le monde connaît Psycho. Bon, donc rendez-vous mardi prochain. Je vous balance tout de suite mon petit Lambrettaz, parce qu'on va partir en voiture. Et c'est une Cortina Mark II. Oui, je te jure, je le lance. Voilà. Oui, Lambrettaz, c'est pas génial. Ah, c'est scooter. Oui, mais une Cortina, c'est une Ford. Je te montrerai après, voilà. Et donc, à la semaine prochaine pour le numéro 301 de Pyongyang City Rockers. Et en attendant, on n'oublie pas... A cab. A pab. And because it's got a Cortina, the color of the change is neat, neat, neat. Gives you room for maneuver on the front seat. And if this might hold you, if you're inclined, the real life clusters are a modern design. Yeah. She'd give him love on the leather of steam and off the glass because of singer. But she only loves him because. Mr. Bad.